la guitare s'enflamme de joie quand tu es là. Ma guitare prédambule et devant tes grands yeux, elle chante la fureur de nos tendres heures. Ma guitare, ma guitare pleure ses accords loin de ton corps. Ma guitare joue en mineur sans ton rire menteur. Elle chante la mort loin, loin, loin, loin de ton corps. Ma guitare. Dans la nuit, elle chante près de toi, plus loin, loin de tes bras. Ma guitare, ma guitare, ma guitare, ma guitare.